Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin, Ballades en prose. En ouvrant ma porte ce matin, il y avait autour de mon moulin un grand tapis de gelée blanche. L'herbe luisait et craquait comme du verre. Toute la colline grelottait. Pour un jour, ma chère Provence s'était déguisée en pays du Nord. Et c'est parmi les pins frangés de givre, les touffes de lavandes épanouies en bouquets de cristal, que j'ai écrit ces deux ballades, d'une fantaisie un peu germanique, pendant que la gelée m'envoyait ses étincelles blanches, et que là-haut, dans le ciel clair, de grands triangles de cigognes, venus du pays de Henry Heine, descendaient vers la Camargue en criant « Il fait froid, froid, froid !»